Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Après avoir discuté de l'approche compétitive du jeu avec CDV et Dorian il y a peu, Adrien et moi-même nous sommes dit que ce serait intéressant de rééquilibrer la balance. Bah oui, on va pas vous mentir, ni mon comparse, ni moi n'avons exactement l'esprit de contradiction, l'esprit de compétition exacerbé. Après tout, au-delà de la désignation d'un gagnant, un jeu c'est surtout fait pour s'amuser, et puis le plus souvent à plusieurs. C'est donc bien de coopération qu'on va vous parler aujourd'hui, et de comment gagner ensemble. Ça aurait été très facile d'y aller par le chemin du jeu de rôle, mais bon, c'est important de varier les plaisirs, alors on a décidé d'inviter un créateur de jeux de société. Si vous vous intéressez un peu au sujet, son nom ne vous sera sûrement pas inconnu. On lui doit notamment le célébrissime Seven Wonders, mais aussi et surtout une ribambelle de jeux coopératifs. Aujourd'hui, nous recevons en effet avec grand plaisir Antoine Boza. Alors bonsoir à tous qui nous écoutez, et puis bonsoir Antoine. Eh ben bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, et puis bonsoir Adrien, évidemment, qui est juste à côté de moi. Antoine, on a envie de commencer par une question. Alors, c'est peut-être un peu une question tarte à la crème sur le sujet, mais tu as toi-même créé beaucoup de jeux, dont un nombre significatif de jeux coopératifs. Ça, c'est quoi pour toi un jeu coopératif ? C'est quoi ta définition du jeu coopératif ? Alors, je ne sais pas si c'est la mienne, mais un jeu coopératif, généralement, c'est un jeu dans lequel les joueurs jouent tous ensemble contre le jeu, contre le système, donc contre la mécanique du jeu. Donc soit toute l'équipe, tous les joueurs gagnent ensemble, soit c'est le jeu qui gagne contre tous les joueurs réunis. Je vais prendre une définition très simpliste un peu du game design. On a tendance souvent à simplifier le game design en tant que mécanique de récompense, ce qui du coup est plutôt contre-intuitif avec l'idée de coopération, puisque l'appât du gain crée un peu la compétition. Comment ça se travaille ? Pourquoi on arrive à créer de la coopération ? Alors généralement la formule qui marche le mieux c'est de mettre les joueurs face à un challenge. Je reprendrai l'exemple du jeu de rôle. Il y a sûrement des rôlistes dans les auditeurs. Moi je viens du jeu de rôle, donc c'est à peu près le même plaisir de se retrouver ensemble et de discuter d'un problème qui dans un jeu de coopération est pas posé par le scénario et par le MJ mais par le jeu lui-même, donc une situation qui est un peu plus mathématique, un peu plus formelle, mais on retrouve à peu près pour moi la même expérience de jeu, à savoir on est tous ensemble autour d'une table et on veut s'en sortir, on veut pas se laisser mettre au tapis par un jeu, quoi. Alors j'ai l'impression qu'effectivement dans les jeux de coopération pour adultes, on reviendra un petit peu plus tard sur les jeux pour plus petits où il y a beaucoup de jeux de coopération, dans les jeux de coopération pour adultes on est effectivement pas chez les bisounours. J'ai l'impression que c'est des jeux, alors le cas du jeu de rôle est un peu à part, mais en jeu de société on est dans des jeux souvent difficiles où on perd souvent la partie. Enfin, moi j'ai des souvenirs cuisants de tentatives de parties de Ghost Stories qui se sont soldées par de nombreuses défaites par exemple. Ouais, alors sur Ghost Stories tu prends c'est un peu le cas extrême je pense dans les jeux coop qui ont été faits. Pour tout dire, à l'époque où on l'a réglé, nous on y avait tellement joué, on n'avait pas encore énormément d'expérience en termes de jeux coopératifs. Quand je dis on, c'est moi et l'éditeur en production. On a fait énormément de parties et du coup on maîtrisait tellement le jeu que je pense qu'on a réglé le jeu un tout petit peu trop haut, en fait. On le referait aujourd'hui, on descendrait un tout petit peu la difficulté. Et en même temps, avec le recul, c'est ce qui a créé un peu cette espèce de mythe autour de Ghost Stories qui reste un jeu qui est très très difficile à battre, et ce qui fait que les gens que je rencontre en convention, qui ont enfin réussi à remporter la victoire, peut-être après 20, 30 ou 50 parties, viennent me voir avec complètement fou en disant « ça y est, on a enfin réussi à gagner une partie de Ghost Stories, il y a encore 20 parties, on pensait même pas que ce soit possible ». Donc effectivement sur les jeux adultes, et moi c'est particulièrement quelque chose auquel je fais attention, je pense qu'un jeu coopératif doit être dur. Et notamment je clame haut et fort que tout le monde devrait perdre sa première partie si un jeu coop est bien réglé. pour la bonne et simple raison que si tu fais un jeu coop et que ton groupe de joueurs, admettons sur une convention, là tu fais jouer ton jeu qui vient de sortir ou ton prototype, les gens qui gagnent à un jeu coopératif, aussi bon qu'il soit, généralement leur retour ça va être ouais c'était chouette, cool, on passe au jeu suivant, on est sur un salon, on passe au stand d'à côté, il y a un autre jeu, ciao, merci pour la partie quoi. Alors que s'ils perdent leur première partie sur ton coop, la plupart du temps, bah, ils sont un peu vexés quelque part dans leur amour propre et du coup ils veulent refaire une partie et souvent tout de suite quoi. Et c'est pas un secret, mais généralement quand t'as des joueurs qui veulent rejouer tout de suite à ton jeu, généralement c'est que tu tiens un jeu qui est bon et qui fonctionne quoi. Donc pour moi un coop doit être dur. Puisque la défaite en fait est le plus gros facteur qui te donne envie de rejouer à un coop. Et c'est, alors ça rejoint une problématique qu'on a traitée avec Dorian Chandelier et Yann Chauvière très récemment. C'est un peu pourquoi on y va si c'est si dur en fait. Pourquoi, à quoi bon se faire du mal, j'ai envie de poser. Parce que justement tu vas pour un challenge. Quand tu t'assois autour d'une table pour jouer, c'est pas pour faire une promenade de santé. Donc je pense qu'il y a énormément de joueurs qui justement veulent s'asseoir et être face à un challenge quoi. C'est tu vas retrouver ça en jeu vidéo quoi. Il y a des gens qui vont aimer jouer en difficulté super facile juste pour se balader, regarder les décors, mais t'as quand même énormément de joueurs qui sont là pour voir leur skill et pour se mesurer un peu à ce que leur proposent les développeurs quoi. T'as un peu ce parallèle là avec le jeu coop quoi. Donc tu vas avoir des gens qui vont jouer juste pour le plaisir de jouer ensemble. Ceux-là je leur conseille pas de jouer à Ghost Stories parce que ça risque de faire un petit peu mal quoi. Mais par exemple ils peuvent jouer à Anabi qui est un jeu du coup coop où t'as pas vraiment de victoire et pas vraiment de défaite dans la mesure où t'as juste un scoring sur ta performance. Donc ça fait que ça peut marcher et pour les gens qui sont là on va dire en casual qui veulent juste une expérience de jeu non compétitive. Et après t'as des gens qui aiment qui cherchent la performance et le challenge et là dans Anabi par exemple ça va être d'atteindre le score maximal et dans Ghost Stories ça va être de gagner avec le mode de difficulté le plus élevé quoi. Ça me fait penser à un autre truc que j'avais prévu de parler plus tard mais allons-y. Vas-y. Parce qu'on parle un peu des profils de joueurs. Il y a un critique Aisher Einhorn, j'espère que j'écorche pas son nom, qui avait justement un peu fait une sorte de catégorisation des approches des joueurs. Il y avait notamment le socializer, en tout cas c'est comme ça qu'il a marqué, donc un peu qui est plus du côté joueur et interagir par le jeu, donc avec son prochain. Le killer, qui lui est là pour scorer et peu importe, il n'est pas là pour socialiser. L'achiever, donc là c'est un peu les jeux d'exploration dont tu parlais, et l'explorer, donc là c'est vraiment agir avec le monde. Justement, là dans les quatre définitions, donc socializer, killer, achiever et explorer, le jeu de coop peut se marier avec tous ces profils selon toi ou pas du tout? Ouais, je pense que c'est encore une expérience différente. Ça, c'est des catégories qui ont été faites à la base pour le jeu vidéo et tu peux retrouver, on aime bien mettre les gens dans des cases et tu peux retrouver tes joueurs qui ont ce profil autour d'un jeu coop. Et comme je le disais, tu peux très bien avoir des gens qui cherchent à faire le score masque, c'est à plier le jeu. Donc là, tu vas plus être dans ce que tu as dit, les killers. Tu as des gens qui sont vraiment là pour avoir une expérience de jeu non compétitive parce que finalement, ils trouvent que socialement, se mettre sur la tête ou se tirer dessus ou écraser l'autre à grands coups de points de victoire, c'est pas ce qui les fait triper. T'auras peut-être moins les explorateurs parce que bon, dans un jeu, et encore maintenant t'as des jeux à scénario comme Time Stories ou comme Robinson Crusoe, donc tu peux même retrouver ce profil de joueur qui dans des jeux un peu comme ça, pas dans tous les coops. Si tu prends un coop comme Anabi, c'est sûr que les explorateurs vont peut-être pas s'y retrouver, il y a pas non plus un univers à découvrir, mais tu peux retrouver, je pense, ouais, la plupart de ces profils fonctionne aussi dans le jeu de société en général et dans le jeu coop en sous-catégorie. Ouais, ou même le jeu de rôle, enfin je pense à ça pour explorer. Ouais, complètement, oui, bien sûr, oui, mais dans le jeu de rôle complètement, pour l'explorer encore plus. Ouais. Et du coup, se pose un problème au-delà des différentes approches qui peuvent être contradictoires selon avec qui on joue et quelles sont leurs approches de type de jeu, c'est aussi la question de décalage de connaissances ou de compétences aussi. Si on joue avec quelqu'un qui est trop fort, bah, il nous balade dans le jeu et finalement bah, on joue plus trop en équipe. Ouais, complètement, c'est une des grosses problématiques en game design quand tu fais un jeu coopératif, ce qu'on appelle l'effet leader, leadershiping, le fait qu'il y ait un joueur qui joue un peu pour tout le monde, comment on joue tous ensemble, s'il y a effectivement soit un joueur qui a tendance à avoir plus grande gueule que les autres, ou effectivement qui a un niveau de maîtrise du jeu qui est bien supérieur, quoi. Admettons que t'as fait 50 parties à Ghosteries et que tu te retrouves avec des newbies qui en ont fait une, forcément il y a un moment où tu vas dire ben non, fais pas ça, c'est complètement idiot, pour l'avoir fait 10 fois avant toi, ça marche pas, quoi. Ça c'est effectivement un souci, tu le gardes toujours en tête quand tu fais un jeu coop, et pour moi c'est un problème qui est à la fois externe et interne. Interne parce que dans ton jeu tu dois essayer de faire en sorte que ça soit pas trop possible, même si tu peux pas vraiment toujours limiter. Pour te donner des exemples, dans Ghost Stories, ce qui le limite, c'est que le jeu est quand même tellement technique et tellement dur que souvent faut s'y mettre à plusieurs cerveaux. Dans Anabi, c'est peut-être le jeu qui répond le mieux de manière interne, c'est le fait que de toute façon tu peux pas jouer tout seul vu que toi tu vois pas tes propres cartes. Donc il y a un moment t'es bien censé faire appel à tes coéquipiers et jouer le jeu de la coop, même si un joueur qui a fait 200 parties forcément aura des tricks qui fonctionnent, quoi. Donc il y a toujours une composante interne à ton game design où tu essayes de limiter ça, quoi. Dans, je sais pas si vous y avez joué, mais dans Samurai Spirit, qui est un autre coop que j'ai fait, j'ai pris le parti en fait de pas faire plateau central où était l'action, pour éviter justement que tout le monde te regarde au même endroit et puisse analyser la même situation. Donc j'ai déporté en fait les actions en actions locales. Chaque joueur a son petit plateau et a des ennuis qui lui tombent dessus sur son petit plateau. Donc du coup ça rend le jeu beaucoup plus résistant à cet effet leader, vu que tu sais pas forcément ce qui se passe devant les joueurs de tout le monde, donc tu peux pas jouer à leur place en fait. Donc de toute façon, quand je fais un jeu coopératif, il y a toujours un moment où je me pose la question, ok, qu'est-ce que mon jeu fait pour éviter cet effet-là qui est effectivement un des écueils des jeux coopératifs, quoi. Ça c'est pour le côté interne, et après en côté externe, pour moi les joueurs doivent jouer le jeu. Ça me semble important en fait. Il y a plein de gens que ça surprend, mais quand tu fais un jeu coopératif, t'es là pour que l'ensemble de la table passe un bon moment, et si tu prends le pas et si tu dis à tout le monde ce qu'il doit faire, toi tu vas peut-être quand même passer un bon moment, mais il y a très peu de chances que tes coéquipiers passent un bon moment. Donc pour moi, il y a quand même la moitié de la responsabilité qui est au joueur, et c'est au joueur aussi de faire que tout le monde passe un bon moment. Et effectivement, quand tu es avec des compétiteurs qui veulent à tout prix gagner, la plupart du temps, ils vont pas jouer ce rôle et assurer l'ensemble de la table de passer un bon moment. Donc, moi, j'estime qu'il y a une partie du jeu, et plus je peux en faire dans le jeu pour éviter ça, c'est bien. J'estime que ça fait partie du boulot. Mais il y a aussi une partie qui tient au joueur. Tout comme dans un jeu compétitif, ça vient presque plus à l'esprit de quelqu'un qui perd, qui va se lever de la table et qui va envoyer voler tout le plateau, quoi. C'est une espèce de règle tacite qui est complètement acceptée dans les jeux compétitifs, à savoir tu termines la partie et t'es pas en train de troller ou de médire de tes adversaires pendant une heure et demie, sinon il y a très peu de chances qu'ils jouent avec toi. Et ben je pense que similairement dans un jeu coop, faut accepter de laisser chacun jouer et apporter et prendre plaisir à la table et pas jouer à la place de chacun. Alors tu citais Anabi c'est un cas effectivement un peu particulier dans le domaine du jeu coopératif, parce que de ma connaissance c'est un des seuls jeux coopératifs à information partielle, puisque les joueurs effectivement n'ont pas toutes les informations, et c'est ça qui évite très très efficacement cet écueil du joueur qui maîtrise tout le jeu presque à la place des autres. J'ai envie de dire, comment ça se fait que c'est le premier? Le premier jeu coopératif que... Non. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, le jeu coopératif, on t'a parlé tout à l'heure de jeu enfant, jeu adulte. En jeu adulte, c'est pas très très vieux, en fait, hein. C'est devenu à la mode il y a quelques années, mais ça a vraiment été lancé avec le Seigneur des Anneaux de Knizia. Donc, je saurais pas te dire la date, mais ça doit être milieu, fin des années 90. Et juste après, par les Chevaliers de la Table Ronde de Days of Wonder, par Serge Lager et Bruno Catala. Et à partir de là, il y a toute une frange de population et de joueurs qui a découvert le jeu coopératif et qui s'y est mis et qui accroche, quoi. Alors je pense qu'il y a une partie de gens comme moi qui sont issus du jeu de rôle et qui ont retrouvé ce type d'expérience un peu similaire, ou plutôt que s'affronter, ben, on joue ensemble. Et il y a toute une catégorie de joueurs qui sont des joueurs qui n'aiment pas non plus, je pense, la compétition, et qui se retrouvent du coup avec grand plaisir autour d'une table quand ils ont découvert que c'était pas forcément pour se taper dessus ou pour s'humilier à coups de mécanique et de points de victoire, quoi. du coup, c'est effectivement une jeunesse qui l'approche. Tu penses que c'est quelque chose qui a amené à se développer effectivement des formes un peu différentes dans du jeu coopératif, d'un plateau central, du coup des jeux qui travaillent effectivement ce risque qu'on connaît maintenant d'un joueur qui prend le leadership sur les autres. Bah, je pense que de toute façon le coopératif va continuer à se développer et très clairement je pense que autant les joueurs que les auteurs sont complètement conscients de ce problème du leader. Donc je serais pas surpris qu'on voit arriver d'autres jeux coopératifs qui ont trouvé une idée maligne justement pour gérer ça. Ouais. Moi je pense que c'est un style de jeu en fait qui va s'inscrire dans la durée pour la bonne simple raison que ce que je te disais juste avant, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui aiment pas la compétition et qui retrouvent ce plaisir de jouer ensemble qu'ils ont eu quand ils étaient jeunes et qu'ils n'avaient pas d'enfants et qu'ils pouvaient faire du jeu de rôle trois fois par semaine en finissant à 4h du matin. Effectivement. Et puis si je me fie à ta ludographie, je pense que tu dois faire partie des auteurs parmi quasiment les plus prolifiques dans le domaine, puisque je regardais là les jeux produits sur les 10 dernières années que tu as sortis. Alors il y en a beaucoup, mais dedans il y a une proportion très significative de jeux coopératifs. Ghost Stories, Anabi, Samurai Spirit, on les a déjà cités, mais aussi le donjon de Nullbuck, la chasse aux monstres, et puis bah, bien évidemment ton passage par le jeu de rôle avant. Je pense notamment à Final Frontier avec notamment des mécaniques qui font vraiment travailler en équipage, puisqu'on joue l'équipage d'un vaisseau spatial et qui joue déjà sur des mécaniques très proches du jeu de société avec des gestions de pions, mais dans une approche aussi là très très coopérative. Oui, complètement. Hein. Sur Final Frontier, ça correspond à les derniers boulots que j'ai fait en jeu de rôle et quand j'ai commencé à faire du jeu de société sérieusement. Donc, tu retrouves la partie de REC que j'ai écrite dans ce bouquin. Tu retrouves clairement déjà des influences et il y a un petit côté jeu de plateau dans le système de jeu de Final Frontier, notamment dans la gestion du vaisseau à plusieurs où ça ressemble presque à une mécanique de jeu de société. Ouais. Alors c'est quoi comment on fait un jeu coopératif? Qu'est-ce qui se passe quand on est à la création du jeu? On se dit d'entrée de jeu, je vais faire un jeu coopératif plutôt qu'un jeu compétitif. C'est l'histoire qui amène le fait qu'on va travailler plutôt sous une approche qu'une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on va basculer plutôt dans un jeu où les joueurs se tirent la bourre ou plutôt dans un jeu où les joueurs font face à une terrible adversité? Alors moi, quand je travaille, je pars toujours d'une histoire. Je pars jamais de la partie formelle. Je commence jamais avec des mécas. Donc l'aspect coopératif est quand même plutôt lié à la mécanique. Donc j'ai rarement, je me lève pas le matin en disant je vais faire un jeu coopératif. Quoi. Généralement, j'ai une idée qui va donner un jeu coopératif. Quoi. Alors il y a des fois, c'est assez simple. Quand on a travaillé avec Ludovic Maublanc sur Donjon de Nullbuck, on a dit ok, on fait un jeu sur le donjon de Nullbuck parce qu'on a l'occasion d'avoir la licence et que c'est un univers qui nous plaît à tous les deux. Ben, on s'est dit bah forcément ça va être un jeu coopératif vu que un jeu de rôle oblige, on retrouve une équipe qui est ensemble dans un donjon. Quoi. Donc là tu vois l'histoire, forcément à aucun moment on s'est dit ça va être un jeu compétitif. Bien que ça aurait pu hein, d'ailleurs parce que dans Nullbuck les héros ont beau bosser ensemble, ils peuvent quand même pas se blairer. Ce qu'on a essayé de retranscrire d'ailleurs dans les différentes mécaniques du jeu de société. Mais l'histoire forcément a dicté l'aspect coopératif ou compétitif quand c'est pas le cas. Sur Samurai Spirit, même principe, hein, je suis parti des 7 samouraïs de Kurosawa. Et ben naturellement dans l'histoire, c'est 7 personnages qui luttent ensemble contre un ennemi. Donc là à nouveau l'histoire automatiquement a dicté le fait que ça soit un jeu coopératif. Ghost Stories, qui est un des tout premiers jeux que j'ai fait, c'est un peu plus bizarre parce qu'à l'origine le jeu était pas coopératif en fait. Donc pour l'anecdote, ça avait à peu près la même structure, on jouait à 4, on chassait des fantômes, mais le but du jeu était d'être le meilleur exorciste, et on gardait les fantômes qu'on exorcisait, et il y avait un système de scoring, et à la fin, il y a un joueur qui gagnait la partie parce qu'il avait fait le meilleur boulot pendant la partie, quoi. Et en jouant avec mes testeurs, en fait, on est arrivé à un moment où je trouvais que le jeu marchait plutôt bien. En tout cas, il était terminé pour moi et j'étais assez content. Mais c'était pas un jeu qui était super marquant et super fun en termes d'expérience. Et c'est un de mes testeurs qui, à un moment, a lâché. Mais en fait, ça marcherait vachement bien en coopératif si tu changeais juste ça. Et du coup, c'est vraiment un retour de test qui a fait que, quand il me l'a dit, en fait, ça m'a frappé. Il m'a dit, mais bien évidemment, t'as complètement raison. Et dès la partie suivante, c'était devenu le Ghost Stories qui est sorti aujourd'hui. Enfin, 100 parties plus tard, quand je dis juste après, en termes de concept. Il y a eu au moins une centaine de parties de réglage. Mais ça, c'était vraiment plutôt dû à mon inexpérience. C'était les premiers jeux que je faisais. Maintenant, c'est vraiment l'histoire que j'ai envie de raconter, naturellement, me dicte à la fois le style de jeu, coopératif, enfant, adulte, et aussi, les mécaniques qu'on découle. Je travaille jamais. Alors, il y a des auteurs qui travaillent dans l'autre sens, qui ont d'abord des idées de méca ou qui veulent dire bah, tiens, je vais faire un jeu coopératif avec du draft et de la majorité, et qui après trouvent une histoire. Moi, je pars toujours dans l'autre sens. J'ai envie de raconter une histoire. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, moi, je viens du jeu de rôle. Je suis un grand fan de bande dessinée, de cinéma et de séries. Si j'avais pas été auteur de jeu, j'aurais aimé écrire en fait, mais j'étais trop flemmard et pas assez doué pour écrire. Mais le fait est que voilà, je reste un enfant du narratif et je commence par avoir une histoire à raconter. Une fois que tu as trouvé justement l'histoire à raconter, comment on met en place les embûches que vont devoir traverser les joueurs? Comment, par exemple, on casse la personne qui manage tout ou la personne qui a parfois qui ose pas? Comment on casse ce genre de schéma un peu social très récurrent finalement en société? Écoute, là, ça dépend du projet. Généralement, une fois que j'ai mon histoire et que je sais que les joueurs vont jouer ensemble contre le jeu, je définis à la fois le profil des joueurs. Donc, est-ce qu'ils vont jouer là? Ils vont jouer, on est en Chine, ils vont jouer des exorcistes de fantômes. Donc, ils vont avoir des pouvoirs parce que c'est quand même cool. Dans les films d'arts martiaux chinois, il y a toujours de la magie ou ainsi de suite. Et du coup, après, tu matérialises un adversaire, quoi. Et le truc qui est souvent très délicat mécaniquement, c'est qu'il faut, il faut que ton jeu soit équilibré, quel que soit le nombre de joueurs qui participent à la partie. Et ça, c'est un peu un challenge. Ça veut dire qu'au moment où tu mets en place ces embûches et cette adversité, il faut qu'elle soit proportionnée au nombre de joueurs qui participent à la partie. C'est pour ça que dans des jeux comme Ghost Stories, comme Pandémie, comme Samurai Spirit, il y a toujours... Enfin, dans ces jeux-là, en tout cas toujours, et dans la plupart des jeux coopératifs, t'as toujours deux phases lorsque vient le tour d'un joueur. Généralement, une phase où il fait sa propre action, donc il interprète ce que fait son personnage. Donc dans Ghost Stories, tu te déplaces, tu vas demander l'aide d'un villageois ou t'exorcises un fantôme. Et il y a toujours une deuxième part qui est qu'est-ce que fait le jeu pour pas que ça soit justement une promenade de santé, pour que j'en bave un peu. Donc souvent t'as ça. Donc généralement dans Ghost Stories et dans Je vais à la table ronde, tu tires une carte pour le jeu. Donc dans Ghost Stories, c'est un fantôme qui se met en jeu. Dans les chevaliers de la table ronde, c'est un élément de jeu. Donc soit il y a une catapulte qui attaque Camelot, soit il y a des Saxons qui débarquent, ainsi de suite. T'as toujours un yin et yang, hein, c'est les deux termes que j'ai utilisés dans Ghost Stories. T'as une phase yin où c'est toi qui joues, et il y a une phase yang où c'est le jeu qui joue contre toi. Donc quand tu sais que t'as un jeu coopératif, là, ton espèce de schéma majeur, c'est de caler ces deux parties. Qu'est-ce que mes joueurs vont faire et qu'est-ce que le jeu va faire, sachant que les deux veulent gagner. C'est comme si toi, tu faisais un jeu en face à face à un contre un et tu cherches quelles sont les armes de chacun pour essayer de mettre l'autre à terre. Sauf que d'un côté, tu as une partie qui est complètement mécanique, donc qui doit être gérée par le système et le plus facilement possible, parce que là, t'as pas de MJ comme dans un jeu de rôle, ou t'as pas la machine comme dans le cas d'un jeu vidéo. Et de l'autre côté, c'est les joueurs. Et là, ton problème, c'est effectivement, t'essayes de penser à comment je rends ma mécanique intéressante sans que j'ai le problème d'un joueur qui puisse jouer tout le monde. Donc il faut généralement créer soit de l'interaction entre les personnages, soit de l'interaction sociale comme dans un habit. Et tu construis toujours ces deux choses-là en parallèle. D'un côté ton jeu et en essayant de le rendre automatisé, c'est-à-dire qu'il va jouer et si tu fais rien, il va gagner. Et si possible, facilement, parce que t'as pas de MJ pour gérer ça. Et de l'autre côté, tes joueurs qui sont dans leur personnage et qui doivent trouver un intérêt à coopérer et pas à jouer seul dans leur coin. C'est pas la même chose de jouer en coopération et de jouer avec le même objectif commun, en fait. Donc c'est un peu les grands challenges que tu retrouves dans tous les jeux coop, quoi. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la difficulté, on en parlait tout à l'heure, un jeu coopératif sont des difficiles, mais j'ai l'impression que c'est toujours juste un peu trop difficile, enfin que la difficulté, elle doit aussi donner la sensation que la partie d'après, on y arrivera. Ouais, complètement. Alors là, une fois de plus, ça dépend un peu de ton intention d'auteur. Moi, c'est clair, je fais des jeux coopératifs qui sont durs. Parce que je te dis que je ne crois pas aux jeux auxquels tu gagnes. Pour moi, un jeu coopératif, plus tu te prends des baffes, plus tu es mis à terre, plus tu as envie d'y retourner. Et moi, j'aime vraiment avoir ce feeling-là dans un jeu coop. Après, c'est un autre gros souci que tu as, et c'est un souci qui existe aussi en jeu vidéo. C'est très difficile de régler la difficulté d'un jeu coopératif. Pour la bonne et simple raison, il y a tellement de profils de joueurs et de groupes de joueurs différents que si tu règles à un niveau donné, ça peut être très très facile pour un groupe de joueurs et complètement impossible pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude du coop, qui sont pas du tout exercés à tout ce qui est mécanique de jeu. Donc généralement, tu as souvent plusieurs modes de difficulté pour être sûr que tu retrouves un maximum de public, mais c'est très délicat dans la mesure où tu sais pas qui va jouer au jeu à la fin. Quoi. Donc ça reste un autre challenge qui arrive plus tard dans le développement. C'est il faut que tu gères la difficulté de ton jeu et par rapport à ton public cible, est-ce que tu veux que, je dis n'importe quoi, mais est-ce que tu veux que papy et mamie qui jouent avec leurs petits enfants ils puissent le faire quoi. À Ghost Story, s'ils ont pas joué beaucoup avant, c'est sûr qu'ils vont avoir du mal quoi. À Anabi, je pense qu'ils peuvent prendre du plaisir même s'il y a peu de chances qu'ils fassent le score max, et encore c'est pas dit parce que s'ils aiment le jeu qu'ils font 50 parties ça reste accessible, mais effectivement gérer cette difficulté dans un coop c'est un truc qui est délicat et sur lequel tu passes une grande partie de ton développement. Je réfléchissais à ce que tu disais sur l'écriture, l'univers que tu voulais donner et comment tu le traduisais à travers des mécaniques, et je me faisais la réflexion que les jeux coopératifs du jeu de rôle papier, les univers étaient assez semblables. C'est du post-apocalyptique, du Cthulhu ou du médiéval fantastique, alors que c'est beaucoup plus diversifié dans le jeu de société. Enfin, en tout cas, il me semble. Comment ça s'explique, ces manques d'imagination ? Enfin, ça paraît quand même assez étonnant. Tu veux dire les univers dans les Les univers déployés, ouais. Côté jeu de société, tu parles ? Côté jeu de rôle, en fait, je trouvais ça assez limité. Je trouvais ça... ça, c'est souvent que tu lues médiéval fantastique ou du post-apo, et justement c'est beaucoup plus diversifié dans le jeu de rôle, dans le jeu de société pardon. Et comment ça se fait? Alors je suis pas convaincu de ça. Alors moi je suis plus le jeu de rôle, je suis très loin, mais j'ai l'impression qu'il y a encore je pense qu'il y a une plus grande richesse d'univers en fait en jeu de rôle, hein. Ne serait-ce parce que c'est quand même un média qui est vachement plus un média de niche. En jeu de société t'as quand même les éditeurs qui, quand tu fais un thème un petit peu trop de niche, justement vont te dire ah ben on adore le jeu mais peut-être qu'il faudrait mettre un thème plutôt western, donc je suis pas persuadé que ça soit dans ce sens-là. Une fois de plus, pour te donner un exemple concret, moi quand j'ai fait Ghost Stories, j'ai fait parce que j'adore les films histoire fantôme chinois que tu connais peut-être, qui sont des vieux films chinois des années 80 d'arts martiaux et de magie, et clairement c'est ces films-là qui ont inspiré le jeu, mais j'étais vraiment convaincu que aucun éditeur en fait prendrait le jeu avec ce thème-là. Parce qu'à Ghost Stories, tu pourrais changer le thème, tu pourrais mettre du médiéval fantastique, comme tu disais, on pourrait très bien défendre un village contre des orques, des dragons, ou ce que tu veux, avec un archer, un guerrier, un magicien, un prêtre, quoi, ça fonctionnerait aussi. Et je pensais que le thème serait trop underground, tu vois, pour l'éditeur, et j'étais très surpris quand il a choisi le thème. Choisi de garder le thème, pardon. Après, je suppose que ça dépend vraiment des éditeurs et des auteurs. C'est clair qu'aujourd'hui, moi je suis très très attaché à mes thèmes et je ne signerai pas un jeu auquel un éditeur voudrait changer le thème. À l'époque je l'aurais fait parce que à l'époque de Ghost Story c'était mes premiers jeux. Maintenant j'ai vraiment envie, quand j'ai un thème, en gros si on enlève le thème, pour moi t'enlèves le jeu, donc je suis vraiment super attaché à ça. Mais une fois de plus, là je pourrais pas te répondre pour l'ensemble de la communauté des auteurs de jeux sur les thèmes utilisés et la richesse par rapport au jeu de rôle. Moi j'ai l'impression par contre qu'en jeu de société, mais effectivement c'est ce que tu disais, c'est probablement une histoire de marché, on a des thématiques et des approches d'univers qui sont un peu plus intergénérationnelles, là où le jeu de rôle peut correspondre à une catégorie de la population plus jeune, parfois un peu plus masculine. Ouais, complètement. Hein. Faut garder en tête que quand les éditeurs de jeux de rôle, généralement, ils ont. Alors, il y en a un petit peu qui sont traduits, notamment en anglais, mais souvent, c'est tu tapes dans ta langue et dans ton pays, quoi. Quand John Doe sort un jeu de rôle, hein, je dis John Doe parce que tu citais Final Frontier tout à l'heure, et parce que c'est des copains que je salue s'ils écoutent le podcast d'ailleurs. Ils sortent leur jeu en langue française. Donc, au niveau culture de leur lectorat, c'est une culture qu'ils partagent, quoi. Faut voir qu'un jeu de société Et c'est encore plus vrai maintenant, c'est quand même un média qui est beaucoup plus présent à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que quand tu sors un jeu, il va sortir en Europe, et pas qu'en France, en Europe, et déjà il y a des grosses différences culturelles. Il va sortir en Asie, donc là tu peux imaginer toutes les différences culturelles que tu peux trouver aux États-Unis, quoi. Donc les éditeurs sont beaucoup plus sensibles à ça. Exemple concret, il y a quelques années, avec Bruno Fedutti, on sort un jeu qui s'appelle Pony Express, donc le Pony Express, dans lequel tu shootes des Indiens, tu vois, de façon bon enfant, Luke et Luke, ou quand tu joues au cowboy aux Indiens quand t'étais petit avec tes copains, et ben on s'est fait massacrer aux États-Unis, parce que aux États-Unis, dès que tu parles des Indiens, c'est un sujet hyper hyper sensible, quoi. Donc le jeu s'est fait complètement descendre, on s'est fait traiter de raciste, de tout ce que tu veux, de vous comprenez pas, vous pouvez pas faire ça, on peut pas tirer dans des Indiens dans un jeu et tout ça. Donc forcément, les éditeurs, comme ils veulent vendre leur jeu, ils veulent en vendre le plus grand nombre possible, bien entendu, et ben ils sont quand même plus sensibles à ça, et forcément, il y a clairement des thèmes qui se retrouvent un peu plus lisses. Ouais. Là où en jeu de rôle, tu peux faire des trucs complètement trash, underground, si tu es un petit éditeur indépendant ou à compte d'auteur, quoi. En jeu de société, tu peux le faire, mais il y a peu de chances que tu le fasses chez un éditeur d'envergure internationale. Oui, parce que j'imagine, enfin j'espère que du coup avec Takenoko, t'as pas eu de problème en Chine de personnes qui auraient dit que tu considérais les pandas comme des gros squatteurs morphales. Écoute, on n'a pas eu trop de remarques, mais on en a eu quand même sur l'extension où on a mis en scène la maman et les bébés. Et typiquement, tu vois, sur la couverture, il n'y a que la maman qui portait un kimono. Qui était rose, je crois, et donc là on a eu le droit à des élans. Oh là là, c'est complètement sexiste d'avoir mis uniquement la femelle en kimono alors que les petits pandas mâles derrière sont nus et tout. Enfin, tu vois, plein de questions qui nous sont même pas venues à l'esprit. On avait juste envie de faire une jolie couve avec il y avait une maman panda et des bébés, quoi. Mais t'es obligé de faire attention à tout ça parce qu'effectivement, ce qui toi te paraît, on va dire, pas du tout offensif de fait de ta culture. Perso, ben un peu choqué, effectivement, outre-Atlantique, quoi, ou en Asie. Donc ouais, ça devient touchy, hein. Puis avec toujours pareil avec le jeu de société, c'est les succès sont quand même encore beaucoup liés à tout ce qui est bouche à oreille, hein. On parle entre joueurs et sur les réseaux sociaux, donc ce genre de questions, dès qu'il y a quelqu'un qui s'enflamme sur les réseaux, ça fait vite le tour et tu te retrouves avec des étiquettes. Effectivement, moi sur Samurai Spirit, par exemple, je me suis fait traiter de macho parce que il y a 7 personnages dans le jeu et en fait il y a 7 personnages masculins, quoi. Et du coup, j'ai expliqué très candidement qu'en fait, moi, dans ma tête, c'est les 7 samouraïs, et j'ai repris les noms des personnages des 7 samouraïs dans le film de Kurosawa, et que c'est sept hommes, quoi. Et du coup, j'ai pas pensé à un moment qu'on allait me reprocher d'avoir mis que des mecs comme personnages, et tu vois, et c'était pas volontairement, j'ai pas dit, attention, c'est un jeu pour les mecs uniquement, je mets que des persos masculins, quoi. C'est juste que dans ma tête, j'ai déroulé l'histoire des 7 samouraïs, et que naturellement, j'ai repris ces personnages-là. Je referais le jeu aujourd'hui, je pense que je mettrais, je pourrais pas faire la parité, parce qu'il y a 7 personnages, mais je ferais sûrement 4 et 3, quoi. Alors, je pense qu'on va faire une dernière question, et on va clôturer cette bulle business dans le podcast sur la coopération. Mais tu parles du public du jeu de société. Quel public, toi en tout cas, tu vises des hommes blancs, urbains, cisgenres, ou plutôt, je sais pas, moi, je sais pas. Tu sais, moi en fait, la création de jeu, j'estime que c'est vraiment une activité très très égoïste en fait, dans la mesure où la personne que je cible principalement, c'est moi, quoi. Je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter et le jeu auquel moi j'ai envie de jouer en fait. Après, bien sûr, j'ai la chance de retrouver que ça fasse écho chez des joueurs. Alors, plus ou moins ça dépend des jeux, avec plus ou moins de succès. Mais très clairement, je me dis pas, je vais faire un jeu pour un score gamer, quoi. Je me dis, je vais faire un jeu parce que j'ai envie de raconter cette histoire et que j'ai envie d'en faire un jeu, en fait. Donc, je cible pas vraiment. Après, quand j'avance dans le développement, il y a forcément une cible qui s'est plus ou moins dessinée d'elle-même. Une fois de plus, moi, je fais les choses de manière, tu vois, enfin, assez intuitive. Et je réfléchis pas, je suis pas du tout un cérébral, je réfléchis pas des heures à mes jeux. Je fais comme ça coule, en fait. Et du coup, il y a une cible qui se définit assez naturellement. Très clairement, Ghost Stories, j'ai tout de suite vu que ça allait pas être un jeu hyper familial et facile d'accès, quoi. Mais j'attends que la cible soit à peu près définie, et à ce moment-là, au moment où je règle le jeu, je tiens compte de cette cible que j'estime émergente, à savoir est-ce que c'est un jeu plutôt jeune public, plutôt joueur familial, plutôt technique et tout. Et à ce moment-là, quand je règle mon jeu, en ayant conscience de ce public qui est a priori mon public cible, en tout cas qui est celui de mon jeu, qui est pas forcément bien, mais celui de mon jeu, je fais mes réglages en fonction de ça. Ça fait que si c'est un jeu technique, et ben forcément je vais le régler un peu plus difficile parce que je sais que c'est des joueurs plus aguerris qui vont tomber dessus. Mais une fois de plus, à la base, je pars de l'histoire et je sais pas encore à qui ça va s'adresser. Est-ce qu'il y a tu parlais justement de tes processus de création, est-ce qu'il y a un plaisir différent à concevoir un jeu coopératif et un jeu compétitif dans la partie vraiment game design? En fait, moi, si tu regardes un peu ma ludographie, il y a très très peu de jeux complètement compétitifs. Les jeux compétitifs que j'ai fait, en fait, la compétition est souvent reléguée un peu à l'arrière de l'expérience de jeu. Je ne sais pas si tu as joué à des jeux comme Tokaido, si tu as joué à Seven Wonders. Seven Wonders, par exemple, c'est un jeu qui, selon moi, a plu. Alors attention, c'est mon analyse. Notamment parce que il y a un vainqueur à la fin, mais généralement tous les joueurs ont pris du plaisir à jouer leur partie parce qu'ils ont tous construit quelque chose, ils ont tous développé leur petite civilisation avec leurs cartes. Et finalement, c'est un truc que je fais naturellement dans mes jeux. Dans Tokaido, ce qui m'intéresse, c'est que t'aies fait un bon voyage. À la fin, t'as gagné, t'as perdu, mais la plupart des gens qui apprécient Tokaido, finalement, à la fin, ils s'en fichent de gagner ou de perdre. Ce qui est chouette, c'est que ils ont mangé des sushis, ils sont arrêtés dans des sources chaudes, ils ont ce que tu veux dans Tokaido. Takenoko, c'est assez pareil. Tu peux difficilement dire je suis le meilleur joueur de Takenoko, il y a trop de facteurs aléatoires et indépendants qui font que c'est pas un jeu qui est complètement contrôlable. Et la plupart de mes jeux sont soit coopératifs, soit compétitifs, mais peu compétitifs, j'ai envie de dire. Tu trouveras jamais un jeu, alors si je vais te trouver une exception juste après, forcément, à la règle, mais je pourrais te la justifier. Souvent, voilà, soit je fais du coop, soit je fais du compétitif dans lequel, en fait, je m'en fiche de la compétition, c'est pas l'expérience de jeu que je veux délivrer. Tout simplement pourquoi? C'est parce que moi, je suis pas du tout un compétiteur, quoi. Moi, je viens vraiment du jeu de rôle et j'ai jamais joué à des jeux compétitifs abstraits ou j'ai jamais joué aux dames, à des trucs où il faut réfléchir, où on peut gagner, où t'as vraiment un skill qui se développe, c'est pas du tout ma cam, et naturellement, c'est pas les jeux que je fais, quoi. Et la seule exception, je pense que tu peux citer, c'est Seven Wonders Duel, je sais pas si tu as joué, mais c'est le seul jeu à deux que j'ai fait, les jeux à deux sont souvent beaucoup plus compétitifs, et je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Bono Catala, qui lui maîtrise à la fois très bien les jeux compétitifs et très bien les jeux à deux aussi, et c'est un peu une exception. Et très typiquement, Seven Wonders Duel, c'est pas le jeu où j'ai le plus de plaisir moi-même à jouer. Parce que c'est une expérience très compétitive et c'est pas une expérience où je m'éclate complètement à titre perso. Et c'est pas quelque chose qui te titille en tant que concepteur de jeu, j'entends bien le fait de penser les jeux par l'histoire qu'ils racontent, mais aussi de se dire j'aimerais bien faire un jeu dans tel genre, un jeu qui soit plus un jeu de communication, et puis un jour j'aurai l'histoire qui viendra avec, mais il y a des compétences que j'ai envie de mettre en jeu justement dans les jeux que je crée. Oui, ça je le fais, hein, tout à fait. Il y a toujours un moment où tu te dis, bon ben voilà, moi je commence à avoir fait pas mal de jeux et ça commence, j'ai envie de changer. Et du coup, des fois, tu te pousses un peu toi-même en dehors de ta zone de confort. Là, par exemple, j'ai fait un petit jeu abstrait, où il n'y a pas vraiment de thème, tu vois, c'est un peu la première fois que je l'ai fait, qui va sortir chez Ravensburger l'année prochaine, qui pour l'instant s'appelle Dirty Dishes, qui est un jeu de dés, une espèce de party game avec une mécanique d'empilement, dans laquelle, bon, j'ai quand même réussi à trouver une histoire parce que sinon j'ai l'impression que j'ai pas fait mon job si j'ai pas d'histoire, mais très clairement t'en as rien à fiche de l'histoire, hein. C'est un jeu frénétique d'empilement et là du coup c'était intéressant parce que je me suis retrouvé effectivement hors de ma zone de confort, mais enfin y a rien à faire, si tu te laisses aller tu reviens, tu reglisses tranquillement vers ta zone de confort, et là les prochains jeux sur lesquels je travaille, ben je regarde dans ma pile à côté de moi, là je suis assis à mon bureau, ben je vois trois jeux, un qui est pas un jeu de coopération parce que c'est un co-design avec Eric Lang qui fait pas de jeu de coopération, et les deux autres qui sont dans la pile juste en dessous, bah c'est deux jeux coopératifs à venir, quoi. Alors, dans les jeux coopératifs, il y a aussi parfois des petits twists. Tu as cité tout à l'heure Seven Wonders, qui n'est pas un jeu spécialement coopératif à la base, mais quand même, avec Cities, il y a des mécaniques d'alliance. Et inversement, on a parlé un peu plus tôt, un jeu pour le coup qui n'est pas de toi, mais les Chevaliers de la Table Ronde, où, si mes souvenirs sont exacts, on peut quand même avoir un joueur qui blouse tous les autres. Il y a aussi ces mécaniques-là dans les jeux qui sont des jeux coopératifs, mais où quand même on peut un peu soit se faire des coups en douce, soit se tirer la bourre. Ouais, bien sûr, ça arrive. Une fois de plus, ça dépend vraiment des profils des auteurs. Hein. Pour les Chevaliers de la Table Ronde, il faut savoir que à la base, c'était une idée. Les premiers protos étaient de Serge Lager tout seul. Et t'avais pas le félon, quoi. Et après, il s'est retrouvé travailler avec Bruno Catala, qui lui n'aime pas les jeux. Il n'aime pas les jeux coopératifs. Et c'est Bruno Catala qui a amené l'idée du félon. Donc, tu vois, c'est assez intéressant parce que dans la démarche de Serge, il est plus dans un profil qui correspond au mien, c'est pas un compétiteur. Et du coup, et en travaillant avec Bruno, qui a pas du tout le même profil, du coup, ils se sont retrouvés intégrer ce félon. Mais tu vois, une fois de plus, c'est le profil de l'auteur qui a intégré les deux idées un peu contradictoires qu'il y a dans le jeu et qui fait que ça fonctionne très bien, d'ailleurs. C'est pas la question. Mais, y a rien à faire. Tu fais les jeux qui correspondent à ta personne, à part quand tu te bouscules un peu pour sortir de zones de confort. Les exemples que vous avez cités tous les deux me font penser qu'il y a des sortes de jeux faussement coopératifs. On fait des alliances, mais finalement c'est pour après mieux trahir derrière. De toute manière, par exemple, je me suis dit, tiens, la Belote, c'est un jeu à la fois compétitif et coopératif. Ce qui dans les faits est vrai, mais au final, un joueur peut plus briller que son adversaire. Donc comment vraiment ça se dose entre guillemets la part de coopération et de trahison? Alors moi j'appelle vraiment jeu coopératif un jeu dans lequel il n'y a pas de composante de trahison. Hein. Moi, pour moi le jeu coopératif comme je le vois et comme je le design, c'est vraiment on joue ensemble, c'est établi quoi. Il n'y a pas de traîtrise ou de fourberie. Sinon c'est plus vraiment un jeu coopératif, c'est plus un jeu soit équipe dynamique qui peuvent changer, soit intérêt divergent. Mais pour moi c'est vraiment un style de jeu à part du jeu coopératif. Hein. Même, tu vois, même du coup, au chevet de la table ronde, bon, je dis que c'est un jeu coopératif, mais effectivement, la composante félon le bouscule un petit peu hors de sa case, quoi. Moi, c'est un, tu vois, je pense que j'ai fait aucun jeu coopératif dans lequel qui est pas 100% coopératif, quoi. Mais voilà, une fois de plus, je trouve ça très bien qu'il y en ait aussi des comme ça, parce que moi, c'est pas ce que je fais, donc je suis content de pouvoir jouer à des jeux avec une approche un peu différente, quoi. Mais c'est encore pas pareil, quoi. T'as des jeux qu'on appelle semi-coopératifs, qui est un genre auquel je crois pas du tout. Et généralement, le parti pris, c'est soit on gagne tous, soit on perd tous, soit il y en a qu'un qui gagne, en fait. T'as ça dans... je vais essayer de te trouver des exemples, là, comme ça, Chou. T'as ça dans le Battlestar Galactica, je crois que c'est comme ça. T'as finalement un trait qui se révèle en contrepartie, et à un moment, t'as intérêt à plus jouer en coop pour tirer ton épingle du jeu. T'en as sûrement d'autres, j'ai pas d'autres titres. Mais... Il me semble qu'il y a un jeu qui s'appelle Zombie qui se joue dans un mall qui a un peu cette mécanique-là aussi. Ouais, alors sauf que dans le zombie dont tu parles, qui est le blond, la beauté, le triant de Nicolas Normandon, c'est clairement annoncé que ça sera pas coopératif à la fin quand même. C'est plus un jeu complètement compétitif dans lequel tu dois faire des alliances, mais le but déclaré est toujours d'être le vainqueur à la fin. Donc, c'est un peu différent d'un jeu semi-coop où on va te dire... attention, si vous bossez pas ensemble, c'est le jeu qui va gagner, mais il y en a quand même un qui va gagner à la fin. Sinon, si c'est pas le jeu, c'est pas tout le monde. C'est soit le jeu, soit un seul joueur. Et je crois pas trop à ce style de jeu parce qu'il y a énormément de joueurs dont la réflexion, ça va être un moment, si moi je peux pas gagner, bah, je préfère tant qu'à faire tout le monde perdre. C'est pour ça que le semi-coop, c'est un style que moi j'y crois pas trop. Alors, j'attends qu'on en fasse jouer un qui arrive à me convaincre complètement que c'est un. Ça peut être un super genre, mais j'y crois pas trop. Je crois pas trop à... Je vais gagner tout seul, mais si à un moment on bosse pas tous, on va perdre. J'ai quand même vu beaucoup de joueurs qui font « Moi, si je peux pas gagner, tant qu'à faire, je préfère que personne gagne, que j'ai pas envie que tu gagnes. » Et c'est clairement un profil... Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est clairement un profil de joueur que tu trouves beaucoup. Donc, une fois de plus, pour revenir sur ce qu'on disait au début, moi, je suis vraiment... Quand je fais un jeu coop, je fais un jeu 100% coop. Je fais pas d'entre-deux. Je crois pas trop aux entre-deux, en fait. J'étais en train de me dire que les jeux de société ou jeux de rôle ou jeux vidéo que sais-je où on peut faire des coups de mettre des coups de traître, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà, de gens pas très sympathiques, dirons-nous. C'est pas franchement très sympa déjà de base. Et puis surtout, pour les, si on veut jouer avec des enfants, c'est plus compliqué parce qu'il y a dans les jeux coopératifs, il y a les jeux coopératifs pour adultes, mais il y a aussi les jeux coopératifs à destination des enfants et à destination aussi des familles, tu l'as précisé. Je crois pas que tu en aies fait, mais peut-être as-tu un regard sur comment ça se gère, comment joue un enfant et comment joue un enfant avec ses parents. Alors c'est sûr, quand tu joues avec les enfants, moi j'ai fait un seul coop pour les tout petits, hein, c'est la chasse aux monstres, c'est bon pour les tout petits, c'est pour jouer à 3-4 ans. Il y a énormément de jeux coopératifs pour les enfants, ne serait-ce parce que l'apprentissage de la défaite chez les enfants, et chez les grands aussi d'ailleurs, des fois c'est souvent compliqué. Donc je suis pas sûr que t'aies des jeux avec de la traîtrise, ouais, parce que déjà pour les enfants, quand tu fais du jeu compétitif, c'est pas forcément facile de savoir perdre. Alors si en plus tu te prends un coup de poignard dans le dos de ton frère ou de ta mère, ça risque d'être délicat, donc j'ai pas d'exemple. C'est plutôt, on va dire, une réalité de la vie que tu découvres un peu plus grand. Par contre, t'as plein de jeux complètement coopératifs et t'as des jeux compétitifs. Mais déjà, dans un jeu compétitif, pour les jeunes enfants, apprendre à perdre, c'est pas facile. Je sais pas si vous avez des enfants, mais c'est un apprentissage qui est pas délicat, qui est assez délicat. Et comme je disais, il y a énormément de grands joueurs qui ont beaucoup de mal à perdre aussi une partie encore. Donc, Et comment tu expliques cette bascule du jeu coopératif pour les petits, qui est quelque chose d'assez normal et bien réparti, au jeu compétitif avec finalement un jeu coopératif qui a ressurgi assez récemment dans sa version pour adultes? Comment ça se fait que ça n'a pas émergé plus tôt? Et c'est une excellente question, je ne saurais pas te dire. Faut voir que le jeu de société, ça bouge beaucoup depuis une dizaine d'années, hein. Et je pense que quelque part, il y a longtemps eu effectivement peut-être le syndrome, les jeux coop, c'est bon pour les enfants, tout comme en France, on a longtemps eu les jeux en général, que ce soit vidéo ou autre chose, c'est une activité puérile, c'est pas pour les adultes, quoi. Et je pense que le jeu vidéo a complètement fait changer ses mentalités, et ça se répercute aussi au niveau du jeu de société. Et finalement, on voit que là où avant c'était peut-être un loisir de niche, effectivement, de gamers qui jouaient toute la nuit à des jeux on va dire complexes où il y avait qu'un seul vainqueur, comme il y a plus en plus de monde qui s'est intéressé aux jeux de société avec tous ces profils différents dont on a parlé, et ben il y a un moment où on s'est aperçu que les jeux coop, en fait, il y a un public, et naturellement, dès qu'il y a un public, tu vois des jeux qui émergent, quoi. Mais là, une fois de plus, je suis pas un ludologue, je saurais pas te donner une explication plus fiable. Mais toi qui as été enseignant pendant quelques années, quelle vertu tu vois en matière pédagogique, quelle vertu pédagogique tu vois pour les jeux coopératifs? Comme tu l'as dit, de toute façon, tous les enseignants te le diront. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui soient pas d'accord avec ça, mais dès que tu fais jouer des grands ou des petits, tu développes tout un tas de compétences qui sont à la fois des compétences de langage, qui sont des compétences mathématiques, qui sont anticipées, par exemple, anticiper un coup. Tu vois, pour un petit, c'est déjà une compétence qui est vachement importante et difficile à acquérir, hein. Savoir ce qui va jouer un coup pour te placer pour le coup suivant. Voilà, tout ce qui est stratégie et tactique, ça demande au niveau cérébral, c'est des compétences super importantes, quoi. T'as bien sûr plein de compétences de communication, et dans les jeux coopératifs, souvent les compétences de communication sont mises en avant, ce qui veut peut-être dire qu'il y en a eu beaucoup pour les enfants, parce que il y a un moment, les gens qui ont peut-être fait ces premiers jeux coopératifs pour enfants cherchaient justement à avoir un angle un peu plus pédagogique, même si j'aime pas trop dire ça, parce que je pars du principe que n'importe quel jeu, de toute façon, a toujours des vertus pédagogiques, mais c'est peut-être ce qui explique qu'il y en a beaucoup eu pour les enfants, et que peut-être qu'à l'époque, on s'est dit, les grands, c'est pas ce qu'ils cherchent, finalement, la communication, ce qu'ils veulent, c'est se mettre sur la gueule, quoi. Voilà, ça a sûrement changé une fois de plus, mais comme je dis, moi ça fait pas non plus 30 ans que je fais des jeux de société, je saurais pas être plus précis sur le sujet, quoi. Je pensais à ça quand on parlait des enfants ou même des adolescents, je me faisais la réflexion que les communautés ont l'air très différente en fait. J'ai l'impression que le jeu de rôle, je savais que c'était très coopératif. Le jeu de société, j'avais à peu près une idée. Par contre, le jeu vidéo, quand on regarde des jeux très prisés, notamment des jeunes, comme League of Legends, où c'est normalement coopératif, ça s'insulte assez facilement, et même dans son équipe. Comment on explique cette différence d'ambiance, de communauté entre le jeu de rôle plutôt calme dans un salon autour d'une bière et un bouquin, le jeu de société avec peut-être, je ne sais pas, un chocolat chaud et un dé, et à côté le jeu vidéo où là ça se déchire, ça s'insulte, ça traite la maman de je ne sais quoi. Comment on explique ça? Oui, après, tu vois, je pense que c'est aussi les cas extrêmes. Moi, j'ai déjà vu des gens s'engueuler bien, bien, bien fort en jouant à un habit parce qu'ils n'allaient pas faire le score maximal. Hein, donc, non, mais vraiment, moi, je me suis fait sortir d'une table d'un habit il y a quelques années, quoi. Je suis allé jouer avec des copains qui avaient leur groupe de joueurs à habit. Tu vois, ils avaient fait genre 300 parties ensemble. Donc, ils avaient toutes leurs conventions, tu vois, tacites au point. Ils faisaient le score maximal. Très régulièrement, et à un moment ils m'ont proposé de jouer, j'ai dit bah, bien sûr je fais une partie avec vous avec plaisir, et puis au bout de 4 tours ils m'ont mis dehors, j'aurais dit mais non je peux pas jouer avec vous, ils me disent tu joues n'importe comment, je fais bah non je joue pas n'importe comment, je fais pas partie de votre groupe et faut que vous recommenciez à zéro, on est un nouveau groupe du moment que vous avez changé un élément du groupe, mais donc voilà je pense que t'as vraiment les profils extrêmes dans tous les styles. Après, peut-être que la différence, c'est que dans les jeux vidéo, et c'est toujours pareil, t'es caché derrière ton écran, c'est quand même beaucoup plus facile d'insulter quelqu'un, quoi. Un jeu coopératif dans un salon, si tu commences à insulter le mec qui est juste en face de toi, je sais pas comment ça va se passer. T'as peut-être moins, tu fais peut-être plus attention à ce que tu dis quand t'es assis en face de la personne que quand t'es avec ton micro bien calé dans ton canapé. Donc c'est ce qui fait peut-être que t'as ces phénomènes-là. Mais tu peux très bien avoir j'ai vu des groupes de jeux de rôle qui étaient pas du tout coopératifs. Quoi, où on se mettait des coups de poignard dans le dos et compagnie, donc je ferais pas des catégories aussi marquées, tu vois. Et tu parlais justement de groupes de joueurs et de profils de joueurs, toi qui teste beaucoup tes jeux, alors j'imagine que c'est le cas de beaucoup de créateurs, hein, mais tu parlais de plusieurs centaines de parties. Comment on sélectionne ces testeurs, puisque j'imagine qu'on cherche aussi des profils qui vont correspondre au profil du jeu. J'imagine qu'on ne prend pas nécessairement les mêmes testeurs pour Anabi et pour Ghost Stories. Donc comment on les sélectionne? Et puis est-ce que justement les jeux coopératifs, ça appelle des profils particuliers? Oui, alors la plupart du temps, les tests, tout le début du développement, c'est avec un groupe de copains qui est en gros toujours le même, hein, qui joue une à deux fois par semaine. Donc eux, ils se tapent toutes les premières versions bien pourries, qui marchent à moitié, qui sont bien moches, quoi. Et plus tu avances dans le développement de ton jeu et plus il devient abouti, plus effectivement t'as identifié donc ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près le public cible, et forcément tu cherches un maximum de testeurs qui correspondent à cette catégorie, quoi. Alors après tu fais aussi avec les moyens du bord, parce que le test c'est vraiment le nerf de la guerre, et pas forcément facile de trouver des testeurs qui correspondent au bon groupe, qui sont disponibles en même temps et tout le bazar, quoi. La vitesse à laquelle tu fais tes tests, c'est toujours ce qui limite ton projet, quoi. Très clairement, si j'avais un groupe différent de joueurs disponibles tous les jours, bah, je ferais des jeux 5 fois plus vite, hein, sans souci, quoi. Après, clairement, ben, j'ai des gens que je sais brancher coop, donc forcément, quand j'ai un projet coop, je vais tout de suite les voir pour avoir leur ressenti, parce que du coup, sur leur feedback, ils peuvent mettre en relation ben, leur expérience de joueur coopératif. Ils ont joué à tous les jeux coop qui sont sortis, voire à 50 fois pour d'autres. Donc forcément, ils ont un feedback qui se retrouve enrichi par cette culture ludique, quoi. Et après, c'est toujours intéressant d'avoir des tests, on va dire, à côté de ton public cible, parce que quand tu prends les gens qui aiment le genre, forcément ils sont tout de suite plus motivés, donc ils vont moins facilement mettre le doigt sur les problèmes, quoi. Donc c'est, une fois de plus, tu vois, il faut que tu aies le public cible, mais il faut aussi que tu aies des gens à côté pour pas être bien tranquille dans ta zone de confort et rater des trucs, parce que forcément si je fais jouer un jeu coop à un fan de coop, il part avec un a priori positif, où il y a des chances qu'il apprécie le jeu, quoi. Donc voilà, t'essayes quand même de panacher, idéalement t'essayes d'avoir un maximum de joueurs différents, mais la réalité c'est que tu fais avec les moyens du bord, hein. Alors, quand tu fais des salons, t'arrives à avoir plusieurs groupes et tout, mais voilà, des salons, tu peux pas en faire tous les week-ends non plus, donc tu t'adaptes. Et ce qui pose une autre question, c'est qu'au final, c'est quoi entre guillemets un bon feedback? Parce qu'on peut aussi tomber sur des gens, soit qui ne voient pas où on veut en venir, ou soit qui disent bon, juste bon, moi j'aime pas. Ou c'est... Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, de toute façon, le gros problème sur les feedbacks, c'est que la plupart des gens, ils vont effectivement leur feedback, ça va être ouais, j'ai adoré ou non, j'aime pas. Ou voilà. Des playtesteurs, en fait, c'est vraiment délicat, quoi. D'ailleurs, en jeu vidéo, c'est un boulot, hein, qui est rémunéré, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas facile de trouver des personnes qui sont capables, en fait, de verbaliser leur expérience de jeu et de te dire ce qui leur a plu, ce qui leur a gêné, à quel moment ils ont eu une hésitation, un truc qu'ils ont pas trouvé intuitif et tout ça. Donc, t'essayes d'avoir ces gens-là qui sont des gens capables de vraiment verbaliser un feedback. Tu vois, tu vas pouvoir exploiter après pour améliorer ton prototype, mais la plupart des gens sont pas capables, parce que c'est pas si simple que ça. Tout comme quand tu sors d'un film, tout le monde est capable de dire j'ai adoré ou j'ai trouvé ça chouette, mais c'est pas forcément évident pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, de verbaliser leur ressenti, quoi. Après, il y a un truc que tu fais quand tu fais tester tes jeux et que tu fais plutôt vers la fin du développement, c'est que tu donnes le jeu, mais tu ne joues pas, en fait. Tu ne joues pas et tu prends cette posture d'observateur, en fait, et tu regardes comment les gens réagissent à ton jeu, en fait. Et ça te permet de pas avoir le problème des gens qui verbalisent pas, parce qu'avec l'habitude, tu arrives à voir, en fait. Tu arrives à voir là, tu vois si les gens ont vraiment passé un bon moment. Tu vois s'il y a une règle où les gens ont vraiment pas pigé, quoi. Si dans la partie qu'ils ont demandé deux fois, c'est que ta règle elle est pas assez claire, donc faut que tu la rebosses. Tu vois si le jeu est trop difficile, s'il est trop technique, ou si au contraire c'est trop promenade de santé, du coup le défi est pas à la hauteur. Donc, il y a vraiment toute une partie où soit tu as des super testeurs qui sont capables de verbaliser, et ces gens-là sont hyper précieux et faut les chérir. Soit t'as toute cette étape de playtest en observateur, où ton jeu marche assez bien pour que tu sois pas obligé d'être à la table pour les guider, et où là t'arrives à extraire toi-même du feedback, on va dire, en regardant, en écoutant, en observant ce qui se passe autour de ton prototype, quoi. Et après, idéalement, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de playtester entre auteurs de jeu. Parce que du coup, forcément, quand tu fais tester ton jeu à d'autres auteurs, eh ben, ils ont toute l'expertise. Et eux, généralement, ils sont capables de verbaliser de manière très précise leur ressenti, parce que forcément, ils ont l'habitude. C'est ce qu'ils font de l'autre côté. Donc, c'est généralement, quand tu arrives à faire un playtest avec... Si tu as quatre auteurs avec des profils différents à la table, c'est un playtest qui forcément va avoir un poids beaucoup plus important que quand je vais faire tester mes parents et mon petit frère chez moi, où effectivement, ils me disent « Ah, c'était super sympa, tu nous referas jouer, quoi. » Et comment on fait pour ne pas se répéter en termes de game design, et en particulier quand on travaille sur des jeux coopératifs? Alors j'ai la sensation intuitivement qu'une des solutions, c'est d'aller chercher dans ce qui s'est fait comme jeu ailleurs. Moi il m'a semblé voir des choses de l'ordre de Blackjack dans Samurai Spirit, des choses de l'ordre de ce jeu où on essaie de deviner quel est le nom du personnage qui est écrit sur l'étiquette qu'on a posée sur le front en posant des questions aux autres dans Hanabi. C'est ça la solution, c'est effectivement d'aller prendre des petits bouts, des petites briques de jeu à droite à gauche, pour éviter, comme tu disais, de retomber dans sa zone de confort et d'aller chercher des mécaniques avec lesquelles on est à l'aise et dont on sait qu'elles fonctionnent. C'est effectivement une solution. Moi, je le fais pas de manière consciente. Comme je te disais, moi, c'est mon histoire qui me dicte les mécas, en fait. Donc je suis pas, tu vois, quand j'ai fait Anabi, je me suis pas dit ah bah tiens, il y a ce jeu là, Amnesia, on met les cartes à l'envers, ça serait rigolo de la réutiliser mais en ayant plusieurs cartes, tu vois. Moi dans Anabi, c'est juste que je m'en sortais pas avec le jeu et que le proto était fait, qu'à un moment en bidouillant les cartes et en jouant avec devant mon bureau, je les ai prises à l'envers, je dis ça serait chouette de faire un truc avec des cartes à l'envers, tu vois. Donc c'est la mécanique finalement qui... Ben c'est une mécanique, mais tu vois, c'est venu du matériel, en fait. Il y a un moment, je me suis dit bon, ben j'avais un jeu qui fonctionnait avec ces cartes, et je me suis dit ben ouais, mais les cartes, c'est comme d'habitude, en fait, on prend des cartes, on joue des cartes, quoi. Et j'ai commencé à me dire ben qu'est-ce que je peux faire avec ces cartes. Donc tu vois, j'ai commencé à les poser sur la table, à faire des lignes. Puis à un moment, je les ai prises en main et je les ai prises à l'envers, en fait, en éventail. Et ça, je me dis putain, ça c'est chouette, ça a pas été fait. Le fait est que t'as raison, ça a été fait, hein. C'est un peu le système que t'as dans Amnesia ou dans Coyote, mais au moment où je l'ai fait, c'était pas spécialement conscient. Et du coup, la plupart du temps, bah, voilà, ça vient comme ça. Quand je suis en train de bidouiller ou en train d'essayer, bah, pour raconter mon histoire, il faudrait peut-être que on puisse se déplacer sur un plateau comme dans Tokaido. Donc là, effectivement, la mécanique de déplacement sur un plateau, c'est sûr que je l'ai pas inventée et qu'elle existe plein plein de fois. Mais c'était l'outil qui est venu naturellement m'aider à raconter mon histoire, quoi. Cela dit, celle de Tokaido, elle est originale pour le coup. L'idée que ce soit le dernier joueur qui avance systématiquement, ça implique une approche de déplacement très très différente de lancer un dé et essayer d'être souvent sur un plateau le plus avancé par rapport aux autres. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je suis sûr que si tu cherches, tu vas trouver des jeux antérieurs à Tokaido où tu as ce système de déplacement. Tu vois, enfin, une fois de plus, moi, la méca elle-même m'intéresse pas spécialement. C'est vraiment l'expérience ludique que l'ensemble des mécas te permettent de raconter ton histoire, quoi. C'est vraiment la totalité, quoi. Si tu prends Seven Wonders, tu vois les gens qui disent, bah, je comprends pas que Seven Wonders c'est un aussi grand succès, parce que bah, le draft, il l'a pas inventé, on l'a dans Magic et tout ça. La collection de cartes, bah, y en a dans plein plein de jeux. Jouer en simultané, c'est pas nouveau. Mais une fois de plus, t'as cette espèce de formule avec ce thème qui est clairement pas original non plus, on est bien d'accord. L'expérience de jeu émergente et qui émerge de tous ces petits, de cette méca, de cette histoire et de ce thème, fait que le jeu propose quelque chose que bah, peut-être les gens trouvaient pas à l'époque et se retrouvaient vraiment là-dedans, quoi. Une fois de plus, voilà, c'est pas la méca toute seule, c'est. Enfin, moi, c'est. Si je pouvais faire des jeux sans méca, en fait, je pense que je le ferais, parce que ce que je veux, c'est vraiment raconter l'histoire. En fait, je suis obligé d'utiliser des mécaniques, parce que sinon, je peux pas faire un jeu, mais je le fais parce que je dois le faire, et pas parce que je veux le faire, quoi. Je vais jamais me dire, tiens, je vais faire un jeu de draft, dans lequel on va faire de la collection de cartes, et on va jouer en simultané, tu vois. C'est pas vendeur, ça a pas du tout commencé comme ça. Ça a commencé par, mince, on est 7 à la soirée jeu, on peut jouer à rien. Bah, c'est pas grave, je vais faire un jeu qu'on peut jouer à 7. Une fois de plus, tu vois, il y a une espèce de cheminement assez naturel de j'ai une situation avec soit une contrainte, soit une histoire à raconter, mais j'ai besoin de mécaniques, donc oui, bien sûr, je vais chercher des mécaniques et des mécaniques, on n'en invente plus beaucoup, quoi. À la limite, Dominion a peut-être inventé le deck building qu'on l'avait pas vu avant, mais dans les jeux des 10 dernières années, des mécas complètement novatrices, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, explique le succès de tes jeux. C'est aussi un sens de la direction artistique qui suggère, ou qui en tout cas plutôt qui souligne fortement la mécanique à travers des systèmes de pictogrammes, que ce soit dans mon souvenir Tokaido, Seven Wonders ou Samurai Spirit. Ouais, mais tu vois, enfin, pour moi, ça souligne pas la mécanique, ça souligne l'expérience ludique, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose, je pense. Moi, je suis super attaché, effectivement, à l'ergo, à la jouabilité, à l'aspect esthétique. Comme je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, j'adore la BD, je viens de là, je voulais faire de la BD, j'en ai scénarisé un petit peu. Je suis très, très attaché à l'impact visuel des jeux parce que j'estime que l'histoire que je veux raconter, elle en a besoin. Je peux pas raconter une belle histoire avec des illustrations toutes moches. Donc j'en ai besoin, et c'est presque plus important pour moi d'avoir des belles illustrations et une ergonomie réussie que d'avoir des bonnes mécaniques bien réglées. Parce que finalement, mon expérience de jeu repose plus sur ces éléments-là que sur la partie formelle, sur la mécanique et on va dire la partie plus mathématique, quoi. Donc voilà, mais tu vois, enfin, en même temps, si tu regardes la production de jeux, bah, principalement en Europe, en francophonie particulièrement, bah, t'as plus beaucoup de jeux moches, hein, qui sortent, hein, parce que il y a aussi après les éditeurs, ils ont bien compris que commercialement, si t'as deux jeux avec deux excellentes mécaniques, les gens qui connaissent pas, ils achètent quand même la boîte qu'ils trouvent jolie dans une boutique. Donc ça a vraiment évolué et on trouve vraiment beaucoup beaucoup de beaux jeux. Et moi, ça me va bien parce que moi, je peux pas jouer à un jeu moche pour le coup. Effectivement, je pensais plus du côté de ce qu'on appelle l'affordance, notamment dans le jeu vidéo, où c'est très intuitif, on comprend très vite les pictogrammes et les codes visuels qui permettent de savoir, ah tiens, si je fais tel coup, je vais mieux progresser. Ouais, complètement. C'est peut-être ouais. Plus de l'expérience ludique, je comprends mieux où tu veux. Bah après, le fait d'avoir des mécas clairs et dont la règle est facile à comprendre, ça, enfin, on est d'accord que ça participe aussi à l'expérience ludique. moi j'essaye vraiment d'avoir en fait plus je fais des jeux moins plus j'essaye de pas avoir de règles en fait c'est vraiment parce qu'un des gros une des grosses différences pour rester sur le en comparaison avec le jeu vidéo une des grosses problématiques qu'on a dans le jeu de société c'est qu'il faut se taper une règle en fait hein. Et à part 2-3 joueurs experts qui adorent lire des règles j'en connais je sais pas si vous en connaissez mais la plupart des gens ils ont pas envie de lire des règles. Et tu vois, et moi le premier, j'ai pas envie de lire les règles, et quand j'ai fini mon jeu que je dois écrire les règles, ça m'amuse pas vraiment d'écrire les règles, quoi, parce que c'est vraiment la partie la plus technique et la plus chiante du boulot. Du coup, nous on a déjà cet obstacle-là qu'il faut se fader la règle. Alors quand t'as un pote qui l'explique, bah tant mieux, c'est cool, mais les gens qui vont acheter, qui jouent pas non plus tous les soirs et qui vont acheter des jeux dans les boutiques, qui, généralement ils se tapent la règle. Donc voilà, donc c'est ton boulot de rendre ta règle le plus simple possible et que du coup dans ton jeu tous les éléments visuels, matériels et doux, ce que tu disais que ça, en termes d'affordance, que ça puisse les aider à rentrer dans le jeu. Idéalement, le bon jeu, tu dois comprendre au moins la règle dans ses grandes lignes juste en le voyant déplié sur la table. Si je te mets Tokaido, je te fais le setup, bah, tu n'auras pas toutes les règles, mais tu vas comprendre qu'il fallait du point A au point B, qu'il y a plein de cartes différentes, qu'il va falloir les collecter, que visiblement il y a des points, ainsi de suite, et patati patata. Quoi. Et idéalement, quand tu poses le jeu, si les gens ont déjà compris comment ça se joue, bah, tu as vraiment fait la moitié du chemin, quoi, parce que ça veut dire qu'après, la règle elle va passer beaucoup plus facilement. Quoi. Et c'est vrai que c'est le gros obstacle du jeu de société, c'est que personne n'a envie de se fader une règle de 12 pages encore 8. Quoi. Voilà, sauf les rôlistes qui sont un peu des furieux. Ouais, bien sûr, je dis tout le monde, mais il y a toujours des exceptions. Je connais des gens qui adorent ouvrir une boîte et se lire la règle 3 fois de suite avant de faire la partie. Il y a des gens qui aiment ça, hein, attention. Il y a des gens très bien qui aiment ça, hein, je ne juge pas, bien sûr. Mais une fois de plus, je te dis, moi, très égoïstement, moi si tu peux m'expliquer la règle d'un jeu, je ne vais jamais me taper la lecture. Hein, je préfère faire autre chose. Et ben alors justement, dans les jeux dont on espère que tu n'as pas eu à te taper la lecture, on a un peu une question traditionnelle dans ludologie pour clôturer le podcast. Et puis comme ça fait bientôt un peu plus d'une heure qu'on échange, notre question traditionnelle, c'est plutôt à quoi tu joues en ce moment. À quoi je joue en ce moment? Alors en ce moment, je joue à Jak and Dexter, le remake sur PS4, avec mon petit garçon. Et je joue à Broforce sur Steam. En jeu vidéo, c'est ça. Et en jeu de société, quand je joue pas des protos, en ce moment, je joue à quoi? Je joue à Quix, je joue à Quinto, je joue au Contrées de l'Horreur. Toi, avec des trucs très différents, là, déjà, on a fait le grand écart entre Quix et les Contrées de l'Horreur. Voilà, je fais pas de jeu de rôle en ce moment, malheureusement, parce que j'ai pas le temps, mais je compte bien en refaire. Et puis j'ai cru comprendre en regardant Twitter qu'il y avait du Hearthstone dans l'air aussi, si je ne m'abuse. Oui, j'ai complètement oublié, tu vois, ça doit être. J'ai dû faire exprès inconsciemment parce que ça me prend beaucoup trop de temps et que je ferais mieux de bosser, mais je joue énormément à Hearthstone, puisqu'au moment où on enregistre le podcast, il y a la dernière extension Whisper of the Old God qui vient de sortir, donc forcément, je joue Hearthstone beaucoup trop. Question qu'on se permet aussi de poser au game designer quand on est sous la main, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux en ce moment, qu'est-ce qui se prépare à l'avenir? Alors j'ai pas mal de sorties cette année. La prochaine, ça sera Gaijin Dash, qui est un petit jeu que j'ai fait avec Corentin Lebras. On part à Tokyo dans 6 jours, parce que c'est un petit jeu qu'on publie uniquement au Japon sur un petit salon japonais qui s'appelle le Tokyo Game Market. Donc là, c'est un petit jeu qu'on a auto-édité. Donc tu vois, on fait 500 boîtes qui sont fabriquées là-bas. On n'a pas encore vu les boîtes, on a un contact sur place. Donc là, c'est un petit délire qu'on s'est fait parce qu'on est tous les deux bien fans du Japon et que micro-éditer notre propre jeu là-bas, ça nous a bien fait marrer. Donc on l'a fait, on a pas mal stressé mais on l'a fait. Après j'ai chez Yellow cet été, j'ai Oceanos, qui est un jeu familial d'exploration sous-marine où t'as un petit peu une sorte de draft et de collection de cartes. Je suis en train de terminer un projet un peu plus conséquent qui s'appelle Victorian Mastermind, qui est un jeu que j'ai co-designé avec Eric Lang, qui est un jeu ambiance victorien steampunk où on joue des serveurs du crime qui construisent des machines infernales et qui essayent de faire sauter la moitié de l'Europe. Et là, tu vois, typiquement, dans le contexte, on va dire, social et toutes les histoires de terrorisme et tout, ben, on a déjà des gens, des Américains qui ont brandi des drapeaux en disant « Ah non, c'est pas un thème que vous pouvez exploiter, même si nous, on est complètement dans un truc romanesque et steampunk ». J'ai un petit jeu avec un auteur japonais qui s'appelle Welcome Back to the Dungeon. Je ne sais pas si vous avez joué à Welcome to the Dungeon, qui est un petit jeu de prise de risque que j'ai trouvé excellent, et j'ai eu l'opportunité de faire un spin-off avec l'auteur japonais. Donc ça va sortir cette année aussi. Je suis en train de terminer l'extension pour Seven Duel avec Bruno Catala qui s'appelle Panthéon. Je cherche, hein, tu vois, je travaille sur Oltre, peut-être que vous connaissez, c'est un des jeux de rôle de. Ah bah, j'ai travaillé dessus. Ah bah voilà, bah, tu vois, je savais pas, tu vois, je suis super bien renseigné. Donc voilà, c'est un jeu de rôle que j'adore, et je pense que quand je trouverai le temps de refaire du jeu de rôle, je commencerai par ça, parce qu'en plus, je connais très bien le Grove, qui est un bon copain. Et du coup, en bouquinant le jeu de rôle, il y a 2-3 mechas déjà qui sont un peu jeux de plateau, et du coup, j'ai très envie, j'ai juste commencé, mais de faire un jeu coopératif, un vrai jeu de plateau coopératif qui reprend l'univers et plusieurs concept qu'il y a dans le trait, à savoir les patrouilleurs, le fortin, tout ça. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels j'ai vraiment bossé cette année, mais qui est au tout début. Et puis après, j'ai plein de petits bouts de proto à droite à gauche, parce que je travaille toujours sur énormément de projets en parallèle, quoi. Eh ben, sacré programme. Je comprends qu'effectivement, tu as besoin de jouer souvent avec tes playtesteurs pour faire avancer tout ça. Antoine Boza, merci beaucoup de nous avoir reçu, d'avoir échangé avec nous sur cette heure de podcast. On en sait désormais un peu plus sur ton processus créatif et puis ton regard sur le jeu coopératif. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on recommande à nos auditeurs qui n'ont pas encore testé. Hein, si vous êtes plutôt un adepte de la compétition, tester les jeux coopératifs, ça vous apportera effectivement des expériences différentes. Nous, on se retrouve, si je ne m'abuse, dans 15 jours pour un prochain numéro, et normalement ce sera parmi les derniers numéros de la saison. C'est bien ça, Adrien ? Certainement. Donc là, c'était la 32e épisode. En attendant, jouez tant que vous pouvez, tant que l'on a le droit. À très bientôt, à dans 15 jours. We'll be right back.